Récemment, en Corée du Sud, le chargé par intérim de la présidence Wang Yuan, les ministres et d'autres spécialistes en matière de diplomatie et de sécurité se sont réunis pour rendre public un soi-disant rapport sur la sécurité. Le rapport mentionne que la sophistication des forces nucléaires et de missiles de notre République a créé la pire crise de sécurité en Corée du Sud et que, pour contre-mesure, a été décidée l'élaboration d'une stratégie de confirmation et de destruction mutuelle qui consiste à développer ses propres armes nucléaires ou d'introduire des armes nucléaires et d'autres armes sophistiquées américaines pour dissuasion des provocations dont on sait qui. Le rapport insiste aussi sur la nécessité de disposer le réseau de défense en 5 couches destinées à intercepter nos engins balistiques avec tous les moyens comme les missiles Patriot, SM-3, SM-6, et d'élargir dans les autres pays et régions le sphère de la diplomatie autour du nucléaire du Nord, qui était jusqu'alors limitée dans certains pays comme les États-Unis et le Japon. Ce rapport de sécurité élaboré par les autorités sud-coréennes pour faire face à la menace du nucléaire et du missile du Nord ne contient que tout le bataclan irréaliste, et alors, ce n'est qu'un scénario de confrontation anachronique de ceux qui sont apeurés devant notre puissance militaire inépuisable.